Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, les indépendantistes bretons, car ce sont sans doute eux qui ont frappé le 19 avril à Quévert en plaçant une charge meurtrière dans un McDonald's. Mais il faut se rappeler qu'en 1999 déjà, ils se sont manifestés de façon violente en frappant des cibles symboliques. Sainte-Gabel, le fief électoral de Lionel Jospin, Belfort, la ville de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur. Puis, ils ont tiré sur la façade d'une gendarmerie en Loire-Atlantique. Enfin, ce sont sans doute eux qui ont volé un important stock d'explosifs à Plévin, explosifs dont certains ont été retrouvés en possession de militants basques de l'ETA et qui viennent d'être utilisés à Quévert. À la mi-décembre de l'an dernier, un coup de filet a eu lieu dans les milieux autonomistes bretons. Une dizaine de personnes a été interpellée. Mais un seul militant, apparemment impliqué dans le vol d'explosifs de Plévin, a été inquiété, tandis que les autres étaient relâchés. En cette année 1999, on a donc vu refleurir les sigles ARB, Armée révolutionnaire bretonne, ou FLB, Front de libération de la Bretagne, après une longue période de silence. Sans doute, le flambeau autonomiste ou indépendantiste a-t-il été repris par une nouvelle génération ? Mais on peut dire qu'il brûle sans discontinuer depuis que la Bretagne n'est plus indépendante, c'est-à-dire depuis l'édit du Plessis-Massé de 1532, négocié entre François Ier et les États de Bretagne. Il brûle, mais il a rarement été menaçant, même si les indépendantistes bretons ont parfois été à l'origine d'actions spectaculaires comme l'attentat contre l'émetteur de télévision de Roch Trédudon en 1974 ou contre le château de Versailles en 1978. Plus inquiétantes ont été les connivences entre les nazis et certains indépendantistes pendant la dernière guerre, une connivence qui va longtemps discréditer le nationalisme breton. Mais c'est surtout à la fin des années 60 et tout au long des années 70 que ces indépendantistes se montrent les plus actifs. Et ce n'est sans doute pas par hasard, puisque à cette même époque, des mouvements terroristes se manifestent un peu partout en Europe. C'est justement sur les événements de ces années-là que M. X m'a proposé de revenir. Pourquoi ? Parce que les services français de renseignement y ont joué un rôle trouble. Parce que des policiers ont parfois, semble-t-il, tenu la main des artificiers bretons. Une affaire mystérieuse qui jette une lumière crue sur l'action des services secrets. Une précision enfin, ce nouvel entretien avec M. X a été enregistré avant l'attentat meurtrier de Quévert. Une précision d'abord. Dès que j'entends le mot nationalisme, je me méfie. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie par exemple. Ce cortège de haine, de violence. Oui, mais certaines de ces aspirations à l'autonomie ou à l'indépendance peuvent toutefois se comprendre, non ? Oui, enfin, je ne nie pas la légitimité de certaines de ces aspirations et l'existence parfois d'un sentiment national juste, c'est-à-dire qui vise tout simplement à éradiquer les injustices engendrées par le colonialisme ou un centralisme excessif. Mais le nationalisme, non, parce que ça finit toujours mal. Tout ça pour vous dire que je ne nourris pas de sympathie particulière pour les poseurs de bombes qui se réclament du nationalisme. Voilà, maintenant, je crois que j'ai compris. Donc, pour vous, les indépendantistes bretons ont tort. Oh, je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet. Je constate simplement que ces gens n'ont pas réussi à susciter une véritable adhésion populaire, même si certaines de leurs revendications, enfin surtout en matière culturelle, me paraissent raisonnables. Enfin, je ne veux pas aller plus loin. Bon, d'accord. Alors, venons-en à ce qui nous occupe, le FLB. Oui, un petit historique d'abord, si vous voulez bien. Ouais. C'est dans les années 30 qu'on assiste à l'émergence d'un nationalisme breton radical. Et déjà, il y a des attentats ou des attaques de préfecture. Des militants sont arrêtés, condamnés, d'autres fuient vers l'Allemagne. L'Allemagne nazie. Oui, ce n'est pas tout à fait un hasard, car ces gens-là reviendront dans les fourgons de l'occupant. Et certains d'entre eux n'hésiteront pas à collaborer directement avec les nazis sous l'uniforme allemand pour traquer les résistants. Au nom de la lutte contre la France. Exactement, c'est une tâche indélébile, mais enfin passons. Quand même, que sont-ils devenus ces gens-là là ? Quelques-uns ont été arrêtés après la libération, et certains d'entre eux, une huitaine je crois, ont été condamnés à mort et exécutés. Quant aux autres, ils ont fui à temps et se sont réfugiés à l'étranger, enfin souvent en Irlande. Oui, l'Irlande, pays celte. Bien sûr. C'est là-bas qu'une des figures emblématiques du nationalisme breton, Yann Goulet, se mettra à l'abri et continuera de loin à propager ses idées. Mais enfin, on en reparlera si vous voulez. En tout cas, après cet épisode peu glorieux, le mouvement nationaliste fait profil bas. Mais dès le début des années 60, le FLB apparaît. Le FLB, c'est-à-dire le Front de Libération de la Bretagne. Oui. Hein, c'est ça, oui. Et quelles sont ses revendications? Ce premier FLB est tout à fait dans la continuité du mouvement nationaliste d'avant-guerre. Et ses revendications sont purement identitaires, comme on dit aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'il revendique l'indépendance. Quoi. Naturellement. Ouais, et les autorités de l'époque, qui étaient fortement jacobines. Ouais, c'était Michel Debré à l'époque. Hein, Michel Debré, oui, entre autres. Donc le gouvernement n'est pas enclin à écouter ces gens-là. Dans un premier temps, on pense que la création de ce FLB ressort plutôt du canular. Et dans un deuxième temps hein. Eh bien, quand à partir de 1966, le FLB se lance dans des actions violentes, on est bien obligé de s'en occuper. Mais bon, est-ce que le FLB de cette époque représentait vraiment un danger? Honnêtement, non. Non, c'est un ramassis de petits groupes parfaitement inorganisés et agissant chacun de leur côté au petit bonheur. Il n'a pas été trop difficile à la police d'en mettre quelques-uns à Londres. Ouais, donc rien de sérieux. Non. À partir de 1968, surtout, ça change. Ouais, c'est un rapport avec mai 68 ? Incontestablement. Les nouveaux nationalistes, appelons-les comme ça, secouent le cocotier. Ils en font tomber les vieux du mouvement, ceux qui n'avaient vraiment jamais rompu avec les chefs historiques. C'est-à-dire avec ceux qui avaient pactisé avec l'occupant. C'est cela, oui. Ouais. Les petits jeunes qui montent sont plutôt à gauche et même parfois à l'extrême gauche. Ouais, des gauchistes, donc. Oui, des hommes séduits comme ceux qui ont fait mai 68 par un certain romantisme révolutionnaire. Et cela, logiquement, ne dénonce pas seulement le colonialisme français, mais ses effets pervers sur le plan économique, social et culturel, notamment. Et c'est à peu près à cette époque que naît l'ARB, c'est-à-dire l'Armée républicaine bretonne. L'ARB qui signera souvent FLB-ARB. ARB, ça rappelle étrangement l'IRA, hein, l'Armée républicaine irlandaise. Et ça n'est nullement un hasard. Pour ces hommes, l'IRA est un modèle, une sorte de grand frère. Et à votre connaissance, il y aura des contacts entre les deux organisations? Vraisemblablement, oui. À quel niveau, ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, la coopération n'a pas dû aller très loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de commune mesure entre les deux organisations clandestines. L'IRA a fait la preuve de sa terrible et sanglante efficacité. L'ARB à côté est demeurée artisanale. Elle n'a jamais réussi à mobiliser beaucoup de militants. Et surtout, elle ne bénéficiait pas, comme l'IRA, dans la population catholique irlandaise, d'une véritable adhésion populaire. Il y a enfin une troisième différence capitale entre les deux organisations, et c'est tout à l'honneur des Bretons. Et quoi, non? Eh bien, l'ARB a choisi de ne pas faire couler le sang. Donc, pas d'attentat aveugle. Oui, et les deux seuls morts qu'on comptera seront des poseurs de bombes victimes de leur propre engin explosif. Quand même, cet ARB va commettre pas mal d'attentats, hein? C'est vrai, des attentats symboliques. On vise les perceptions, les bâtiments administratifs, les gendarmeries, une trentaine en tout, si je me souviens bien. Ce n'est pas grand-chose si l'on compare, par exemple, à ce que feront plus tard les Corses en une seule nuit bleue. Enfin, toutefois, ces attentats commis sur le sol métropolitain créent forcément un choc. Et comment réagissent les autorités? Les réseaux de l'ARB sont assez facilement démantelés par la police. Dès la fin du mois de décembre 1968, les premiers militants tombent, une cinquantaine au total. Mais ils seront libérés quelques mois plus tard à l'occasion de l'élection du président Pompidou. Amnistier. Oui. Mais en 1971, l'ARB recommence à faire parler d'elle. Encore des attentats? Bien sûr. Mais il faut noter que si le sigle est le même, la signification n'est plus la même. C'est-à-dire? Le R n'est plus républicain, mais révolutionnaire. C'est donc maintenant l'armée révolutionnaire bretonne, c'est ça? Et c'est ouais. La marque d'une gauchisation incontestable du mouvement, et cela commence à inquiéter Paris. Mais pourquoi plus qu'avant? Parce qu'au ministère de l'Intérieur, depuis 1968, il y a un homme qui va faire de la lutte contre la subversion et le gauchisme son cheval de bataille. Ah oui, je vois de qui vous voulez parler. Raymond Marcellin, hein? Oui, l'homme de la loi anticasseur. Un politicien particulièrement concerné puisqu'il est aussi président du Conseil général du Morbihan. Et c'est ce ministre, donc, à la poigne de fer, qui va donner comme mission à la DST de lutter contre les indépendantistes bretons. Mais pourquoi la DST, qui est un service de contre-espionnage et non pas... Les judiciaires ou les renseignements généraux? Écoutez, il y a au moins deux raisons. D'une part, enfin, je crois que le ministre n'a pas trop confiance dans la police traditionnelle. Pourquoi? Il soupçonne les policiers locaux d'être un petit peu trop indulgents vis-à-vis des indépendants. Parce qu'ils sont souvent bretons eux-mêmes. Bien évidemment, donc ils peuvent répugner à agir. Et la deuxième raison, alors? Marcellin est persuadé que les indépendantistes bretons reçoivent de l'aide de l'étranger, principalement des îles britanniques. Mais je vous ai dit ce que j'en pensais, enfin, peu importe. Donc, pour le ministre, puisque ces terroristes sont en liaison avec l'étranger, c'est la DST qui doit agir, c'est ça? La DST, oui, qui a ses propres méthodes. Et pas toujours des méthodes orthodoxes. Enfin, c'est comme ça qu'on va assister à une série assez extraordinaire de manipulations et de ratages qui ne sont pas moins extraordinaires. Dans un livre de mémoire intitulé « L'importune vérité », Raymond Marcellin évoque longuement son combat contre les indépendantistes bretons. Dans ce passage, il évoque les événements de décembre 1968 et les premières arrestations. Le 29 décembre 1968, un incident fortuit dans un café de Nantes donne aux enquêteurs un point de départ. Il s'ensuit l'arrestation du groupe du Front de Libération de Bretagne, particulièrement chargé de la Loire-Atlantique. Le chef de cette organisation est un sous-officier de carrière qui s'est généreusement attribué le grade de major dans l'armée républicaine bretonne. Il commande une douzaine de partisans qui sont immédiatement appréhendés. Ce groupe de la Loire-Atlantique était le responsable de tous les attentats par explosifs dont ce département a été le théâtre de 1967 à fin 68. Les premiers prisonniers se montrent loquaces et leur déclaration facilite l'arrestation de responsables du FLB dans les autres départements bretons. Le nombre total des arrestations effectuées s'élève à 57, parmi lesquelles 4 ecclésiastiques. Au cours des perquisitions, 800 kilos environ de tolamite sont saisis, ainsi que plusieurs milliers de détonateurs, de centaines de mètres de mèche-lande, des revolvers, des munitions, des bombes prêtes à être placées, etc. Quelques documents enfin, parmi lesquels un projet de charte de la Bretagne libre en 19 articles, qui se veut le recueil des principes constitutionnels de la Bretagne indépendante. Alors comment procède la DST dans sa lutte contre l'ARB ? La DST, dois-je vous le rappeler, est un service de renseignement. C'est-à-dire un service qui a ses propres méthodes. Et traditionnellement, pour lutter efficacement contre une organisation clandestine ou un réseau, il faut donc l'infiltrer. Parce que jusqu'à là, les mouvements autonomistes ou indépendantistes bretons n'étaient pas infiltrés. Moi, j'ai du mal à y croire. Vous avez raison. La police, surtout les renseignements généraux, disposaient d'informateurs. Des types qui donnaient des tuyaux de temps à autre. Mais l'infiltration, c'est autre chose. Il faut arriver à faire pénétrer une taupe dans l'organisation. Une taupe, c'est-à-dire un policier? Pourquoi pas, mais enfin, ça comporte des risques. Le risque d'être découvert, j'imagine. Pas seulement. Alors, quel autre risque? Une taupe, pour être efficace, doit se fondre complètement dans le mouvement qu'elle infiltre. Par conséquent, le type, s'il ne veut pas être opéré, doit se comporter comme les autres membres de l'organisation. Et si les actions prévues consistent à poser des bombes, il doit, lui aussi, participer. Et donc, perpétrer des attentats. Exactement. Alors, si cette taupe est un policier, vous imaginez les conséquences. Sur le plan judiciaire, si l'affaire est découverte, ça peut en effet poser quelques problèmes. Et comme vous dites. Surtout que dans le cas qui nous intéresse, on va encore aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Enfin, n'allons pas trop vite. Voyons d'abord les faits. En avril 72, je crois, une magnifique villa appartenant à Francis Bouygues est détruite par une bombe. Francis Bouygues, oui. Et où se trouvait cette maison? Près de Saint-Malo. À l'époque, Bouygues n'était pas encore aussi connu qu'il l'a été ensuite. C'est juste, mais c'était déjà l'un des chefs d'entreprise de français les plus importants. Je vous rappelle que c'est son entreprise qui venait de construire le Parc des Princes. Ouais, c'était déjà un roi du béton, hein, mais... Donc la cible n'avait pas été choisie par hasard. Certainement, puisque les indépendantistes bretons se battaient aussi contre les constructions abusives sur le littoral. J'ajoute que Bouygues, naturellement, avait beaucoup de relations politiques et qu'il était assez proche du président Pompidou. Quand la bombe a explosé, la villa était habitée? Non. Et très curieusement, la fille de l'entrepreneur qui devait y passer la soirée avait choisi d'aller passer la nuit chez des amis dans une maison voisine. Vous voulez dire qu'elle s'attendait à quelque chose? Bien évidemment. Les Bouygues savaient qu'on allait s'en prendre à leur villa. Et ils ont laissé faire? Oui. Je vous raconterai tout à l'heure comment tout ça s'est passé. Donc la villa est soufflée par une bombe de plusieurs kilos et les dégâts sont considérables. Et la police enquête? Bien sûr. Et immédiatement, les limiers de la PJ se posent des questions. Et pourquoi, non ? Parce que les étrangetés s'accumulent. Le fait que la villa ait été vide... Oui, mais les flics bretons, qui ne sont quand même pas nés de la dernière pluie, font plusieurs autres observations intéressantes. Et très vite, ils acquièrent la conviction qu'il s'agit d'un coup fourré. Et comment ? Des hommes de la DST ont été repérés à proximité de la villa le soir où elle a sauté. Bizarre, non ? Et ensuite, les explosifs et le matériel utilisé ne ressemblent pas à ceux qui sont habituellement employés par les bretons. Enfin, très rapidement après l'attentat, 3 jours seulement après, les principaux instigateurs de l'attentat sont coffrés. C'est tout à fait remarquable, mais aussi tout à fait surprenant. Ouais. Et les policiers de la PJ pensent donc que l'affaire a été montée de toutes pièces? En tout cas, ils ont de sérieux soupçons. Et l'un d'entre eux, sans doute parce qu'il éprouve des sympathies pour la cause des Bretons, va même leur donner quelques tuyaux sur cet attentat bidon. Et c'est comme ça que l'affaire va transpirer? Non, pas à ce moment-là. Il faudra attendre presque 10 ans pour qu'une partie de la vérité se fasse jour. Et grâce, je dois le reconnaître, à l'obstination de l'un de vos confrères. Ah bon, qui ça? Jacques Basselon. Un journaliste qui appartenait alors à un quotidien qui a disparu depuis Le Matin de Paris. Ouais, je connais Basselon, c'est un journaliste d'investigation qui a sorti pas mal d'affaires. Hein. Mais que raconte-t-il dans ses papiers? Avant de vous répondre, je dois souligner, ce n'est pas sans intérêt, que c'est en 1981 qu'il fait des révélations sur l'attentat contre la villa Bouygues. 1981, après l'élection présidentielle? Oui, à un moment où, à la faveur du changement politique, on pourrait espérer qu'un certain nombre d'affaires tordues vont enfin être éclaircies. Un espoir qui va être vite déçu, enfin c'est autre chose. Attendez, quelques dossiers vont quand même être réouverts. Bon, je dis pas le contraire, mais avec quel résultat, vous pouvez me le dire? Est-ce que grâce à l'arrivée au pouvoir de la gauche, les assassins de Curiel ont été identifiés et arrêtés? Non. Est-ce qu'on a fait la lumière sur l'affaire de Breuil? Ou encore sur le dossier des avions renifleurs? Encore non. Il y avait une volonté politique de ne pas aboutir? Bon, dans certains cas, ça me paraît évident. Des intérêts supérieurs, comme on dit, interdisaient qu'on remue trop la boue. Et dans d'autres cas, les services impliqués ont purement et simplement détruit les dossiers quand la gauche est arrivée au pouvoir. Je le sais parce que j'y ai assisté. Mais je m'éloigne. Non, je trouve ça en tout cas très intéressant. Je préfère ne pas m'étendre. Ouais, bon. En tout cas, dans cette histoire des Bretons, là, Jacques Baslon révèle donc le poteau rose. Oui, et il retrace la genèse de l'affaire. Et je dois dire, moi qui savais déjà une partie de l'histoire, que son récit correspondait dans les grandes lignes à la vérité. Alors racontez. Je vous l'ai dit, Raymond Marcelin a donné l'ordre à la DST de s'occuper de toute affaire cessante de ces Bretons trop romans. Et aussitôt, le contre-espionnage envoie là-bas des hommes expérimentés. Que vous connaissiez? Bien sûr. Ils avaient joué un grand rôle dans la lutte contre le FLN algérien. Et c'était des experts en manipulation. Donc ces types s'installent à Rennes. Ils enquêtent dans les milieux bretonnants et assez vite, ils repèrent un maillon faible. C'est quoi c'est qui? Bon, une histoire classique. Un militant marié qui a une maîtresse. Je crois même que cette femme est enceinte. Mmh. Les policiers de la DST lui mettent le marché en main ou vous collaborez ou nous révélons la vérité à votre épouse. Exactement. C'est ça. Enfin, vous savez, on n'amende jamais rien. Oui. Et cet homme accepte ce chantage? Oui, et il devient un agent de la DST, un agent immatriculé. Et c'est très important. Pourquoi insistez-vous sur ce point? Parce que dans la maison, l'immatriculation d'un nouvel agent doit être autorisée par la direction. Donc en roulure, on sait. Parfaitement. Ouais. J'ajoute que ce nouvel agent est très intéressant par ailleurs. Pour quelle raison? Bien parce qu'il est en relation avec l'un des chefs historiques du mouvement indépendantiste breton, ce Yann Goulet, dont je vous ai parlé. Ouais, un homme qui s'est réfugié en Irlande après la guerre. Oui, et pour le pouvoir, il est important de faire l'amalgame entre ces types qui ont été compromis avec les nazis et les nouveaux militants qui sont des socialistes révolutionnaires. Ouais. Et la suite alors? C'est un petit peu plus flou. Que voulez-vous dire? Je vous explique. Il existe deux versions. La première, celle qui a été défendue par le patron de la DST à l'époque, c'est que grâce à cette taupe, les policiers apprennent qu'un attentat va être commis contre la villa de Francis Bouygues. Ouais, alors voyons la deuxième. Qui est la plus vraisemblable. C'est que les hommes de la DST ont suggéré la cible. Une jolie cible, si je puis dire, car Francis Bouygues n'est pas n'importe qui. D'accord, mais quel est le véritable objectif alors? Eh bien, ils veulent faire un flag, comme on dit chez les flics. C'est-à-dire pincer les auteurs de l'attentat, sinon en flagrant délit, du moins très vite après. Bref, une belle opération, toute la gloire de la DST. Mais malheureusement, les choses vont déraper. Et surtout, les policiers du contre-espionnage, pour réussir leur mission, vont s'engager bien au-delà de ce que la loi leur permet. En 1981, mais nous allons y revenir avec M. X, lorsque l'affaire est dévoilée par le journaliste Jacques Baslon, le scandale éclate et les principaux protagonistes doivent se justifier. Le patron de la DST en 1972 était alors le préfet Jean Rocher. Dans une note envoyée au ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, il s'est ainsi justifié, je le cite. « Les ordres donnés ont toujours interdit à un agent de prendre l'initiative d'une action illégale. Par contre, il est bien évident que pour ne pas être détecté, pour préserver sa sécurité personnelle et pour éviter qu'un long travail de pénétration ne puisse être compromis en quelques instants, l'agent ne peut pas refuser de participer aux actions qui lui sont ordonnées par le réseau dans lequel il a été introduit. Un refus de sa part le rendrait suspect immédiatement, avec toutes les conséquences que cela comporte. La police judiciaire se heurte aux mêmes difficultés lorsqu'elle suit l'activité de gangsters qui se proposent par exemple d'attaquer telle ou telle banque. Les magistrats, dans un cas comme celui-là, n'acceptent pas les arrestations préventives et considèrent qu'il n'y a délit ou crime que dans le cas où ceux qui le préparent passent de l'intention à l'exécution. C'est la raison pour laquelle la police judiciaire met en place, dans de telles circonstances, un dispositif aussi discret que possible et attend l'attaque d'un établissement bancaire pour réagir et arrêter les malfaiteurs. Cette note a été récemment publiée par Roger Faligot et Pascal Kropp dans leur livre « DST, police secrète » publié chez Flammarion. Donc d'après vous, non seulement la DST aurait suggéré la cible, mais ses agents auraient mis la main à la pâte. Oui. Alors mais de quelle façon? Bon, écoutez, je ne connais pas tous les détails, mais enfin il est à peu près certain que le détonateur a été fourni au plastiqueur par la DST. Peut-être même qu'un membre du service se trouvait sur place. C'est-à-dire sur les lieux mêmes de l'attentat? Oui, je le pense, mais je n'ai pas de preuves. autre chose. Le soir de l'attentat, je vous l'ai dit, le chemin emprunté par les indépendantistes a été balisé par des policiers des services. Et balisé, ça veut dire quoi, dans votre langage ? On a fait en sorte que rien ne s'oppose à leur action. Bref, des policiers étaient là, chargés d'éviter tout incident. Ouais, d'accord, mais quel genre d'accident pour... Oh, une intervention inopinée des gendarmes, par exemple. Ou un contrôle policier. Il fallait absolument que les plastiqueurs agissent en toute tranquillité. Ouais. Sous la protection de la DST, en somme. Oui. Mais Bouygues, il est au courant d'après ce qu'on m'avait dit. Naturellement. Ouais. Et il a consenti à la destruction de sa maison. Pour un maçon, ça me paraît difficilement croyable. Mais vous avez raison, et pourtant c'est vrai. Francis Bouygues a été informé personnellement par le patron de la DST. Et qui lui a dit quoi ? J'étais pas sous la table, mais enfin, Rochet, c'était alors lui le patron, a dû faire appel à son civisme. Ah, quand même Non, je vous assure, c'est sérieux. Rochet certainement lui a dit, nous avons une occasion unique de démanteler un réseau de terroristes. Alors laissez-nous faire et nous vous en serons reconnaissants. Et quand, comme Francis Bouygues, on est PDG d'une entreprise qui dépend largement des commandes publiques, on ne peut pas refuser de rendre service. Et donc on accepte que des plastiqueurs détruisent votre villa ? C'est à peu près ça, une nuance près quand même. Ah oui, laquelle alors ? On a sans doute dit aussi à l'entrepreneur que les dégâts seraient mineurs. Mais ça n'a pas été le cas, puisque la villa était presque entièrement détruite. C'est juste. Alors que s'est-il passé ? Une maladresse, une très malheureuse maladresse. Expliquez-moi. Je ne suis pas un spécialiste en explosifs, mais je crois savoir que la même charge peut produire des effets complètement différents selon l'endroit où on la pose. Or, dans cette affaire, les plastiqueurs ont fait une erreur et ont placé la charge contre un pilier ou un mur en béton. Le résultat, c'est que la puissance de la déflagration a été démultipliée. Et la réaction de Francis Bouygues ? J'imagine qu'il a dû être furieux. Mais encore une fois, quand on dépend des commandes de l'État, et puis on a dû faire en sorte qu'il soit très raisonnablement indemnisé. Ouais. Alors venons-en, donc à 1981, quand Jacques Baston rend public cette histoire, que se passe-t-il ? À la DST, le mot est faible, c'est la panique. D'autant que le patron, Marcel Chalet, était alors sous-directeur au moment des faits. Et qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Exactement, et cette révélation arrive en outre à un moment particulièrement délicat pour la DST. Mais à cause de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Bien sûr, des socialistes qui n'avaient aucune tendresse particulière pour les services en général, et la DST en particulier. Il y avait déjà eu l'affaire des plombiers du cadre enchaîné. Et bien d'autres affaires. Notre service du contre-espionnage avait outrepassé les limites fixées à ses missions. D'autres plombiers avaient, par exemple, posé des micros chez François Mitterrand. Donc les informations de votre confrère, bientôt relayées par le Canard Enchaîné ou Libération, font craindre le pire. D'autant qu'immédiatement, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, exige une enquête. Mmh. Quelle est la défense de la DST ? Même si le prédécesseur de Defferre, Raymond Marcellin, nie tout en bloc, les responsables du service sont obligés de reconnaître que ces révélations ne sont pas tout à fait fausses. Et pas tout à fait fausses, ça veut dire quoi ? Eh bien, en gros, la direction de la DST admet que le service était bien au courant de la préparation d'un attentat contre la villa de Bouygues. Oui, grâce à un informateur. Enfin, pour préserver ce précieux informateur, la DST aurait laissé faire l'attentat, non sans bien sûr informer préalablement l'entrepreneur. Il faut connaître que c'est une explication qui se tient. Hein. Mais qui omet la partie la plus sensible de l'affaire, c'est-à-dire l'implication étroite des gens du service dans la préparation et peut-être même l'exécution de l'attentat. Et de faire, là, le ministre de l'Intérieur, il accepte cette explication ? Il n'est pas dupe. D'autant que les informations sont très complètes, très précises. Des noms sont publiés. Quels noms ? Des noms de témoins et surtout ceux des commissaires de la DST qui ont participé à l'opération et l'ont initié. Des spécialistes de la manipulation qui ont d'ailleurs été aussi mêlés à l'affaire Delpay. Delpay, le Roger Delpay ? Oui, cet ami de Bokassa qu'on a mis à l'ombre plusieurs mois parce qu'il possédait des documents compromettants pour le pouvoir de l'époque. Oui, c'est l'affaire des diamants. Exactement. Hein, ouais. Et donc, ce sont les mêmes hommes. Oui, mais je veux dire aussi que dans la lutte contre le FLB et l'ARB, la DST n'en est pas restée là. Et cela aussi, on l'a découvert en 1981. D'autres attentats bidons ? Non, encore qu'on ait soupçonné les services d'avoir été à l'origine du spectaculaire attentat de 1974 contre l'émetteur de Rock Trait du Don. Un attentat qui a privé de télévision les Bretons pendant un bon mois. Il était tentant de voir la main de la DST derrière une action aussi impopulaire. Mais non, ce n'était pas la DST. Alors, quelles autres actions ? Écoutez, je vais aller vite pour semer la confusion chez les indépendantistes bretons et aussi pour démasquer certains militants et sympathisants. La DST a inventé un faux FLB. Un faux FLB, c'est-à-dire... Un mouvement concurrent créé de toutes pièces par un agent des services. Et ça a fonctionné, ça ? Oh, parfaitement. De nombreuses mouches sont venues s'engluer sur ce piège. Et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, beaucoup de Bretons croient encore que ce faux FLB était réellement un mouvement indépendantiste. Ouais. Et la création de ce FLB bidon a été efficace, enfin je veux dire, du point de vue de la DST. Hein. Tout à fait. De nombreuses arrestations ont été opérées, puis ce mouvement s'est sabordé et son principal dirigeant s'est volatilisé dans la nature. Ouais. Justement, est-ce qu'à cette occasion, ou encore au moment de l'attentat contre la villa de Bouygues, Les militants bretons ont eu conscience qu'ils étaient manipulés par la police. Ah, la question est très intéressante. Mettez-vous à la place des bretons. Pouvaient-ils reconnaître qu'ils avaient été abusés, infiltrés? Bien sûr que non. Il en allait de la crédibilité de leur cause. Par conséquent, ils ont toujours nié l'évidence. Ouais. Dernière question. J'imagine qu'après les révélations dans la presse, l'enquête commandée par Gaston Defer, il y a dû avoir des sanctions, des limogeages. Ah non, rien du tout, enfin presque. Pourtant, l'occasion était belle pour les socialistes de prendre leur revanche sur cette DST qu'ils abhorraient. Ah non, le principe, vous avez raison. Alors, comme dans les autres affaires que vous avez citées tout à l'heure, il y a une sorte de connivence entre le nouveau pouvoir et l'ancien. Non, mais soudain, la DST était devenue intouchable. Mais pourquoi intouchable? À cause de l'affaire Farwell, souvenez-vous. Notre espion à Moscou, celui qui nous a révélé tant de secrets et de noms d'agents soviétiques. C'est la DST qui a traité cette affaire. Pour la plus grande satisfaction de François Mitterrand, pas fâché de montrer à Ronald Reagan que malgré la présence de ministres communistes au gouvernement, nous étions efficaces dans la lutte contre le KGB. Par conséquent, la DST a survécu et l'affaire des Bretons est tombée dans les oubliettes de l'histoire. Deux précisions avant d'en finir. D'abord, il faut remarquer que jamais Francis Bouygues ne s'est exprimé sur cette affaire. Le Canard enchaîné en particulier lui a posé deux questions. L'entrepreneur avait-il été prévenu de l'imminence d'un attentat contre sa villa et comment a-t-il été indemnisé? Dans son numéro du 30 octobre 1981, l'hebdomadaire satirique écrit « Malgré nos appels répétés, nous n'avons obtenu aucune réponse. Francis Bouygues nous a fait dire qu'il n'avait rien à dire. Dommage, car il est évident que pour accepter de laisser sauter son petit palais breton, Bouygues ne s'est pas contenté des explications d'un vulgaire commissaire de la DST. Il a évidemment demandé des assurances plus haut, beaucoup plus haut. Et comme ce patron de choc ne passe pas pour un philanthrope, il a dû se faire rembourser d'une façon ou d'une autre. Comment ? Encore une information couverte par le secret défense cher à la DST. Autre information intéressante. Un commissaire de la DST, Jean Baclouty, admettra en février 1999, devant un journaliste du Télégramme de Brest, sa responsabilité personnelle et celle de la DST dans l'attentat de la villa Bouygues. Par contre, ce même commissaire niera toute implication de son service dans l'attentat contre l'émetteur de rock Très du Don. Enfin, je vous rappelle le titre du livre de Faligo et Crop, DST Police Secrète, un ouvrage paru chez Flammarion, qui donne une version très complète de cette affaire et des menées de la DST contre les indépendantistes bretons.